La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une semaine photographie dans la compagnie des œuvres essentiellement consacrée à Henri Cartier-Bresson, mort en 2004. Il était né en 1908 dans une famille de la bourgeoisie industrielle, lui qui travaillera plutôt pour la presse communiste. Il fut photographe mais également peintre au cours d'une vie à la frontière du journalisme et de la photo d'art, comme nous l'a raconté lundi Agnès Cyr, directrice de la fondation Cartier-Bresson qui se trouve dans le Marais à Paris. Hier, avec Jean-Pierre Montier, nous avons interrogé l'œuvre du photographe pour en dégager la philosophie et les grandes lignes de force, tandis que demain, c'est de Man Ray et la mode, dont il sera question en première partie de notre émission avec Alain Sayag, puis de son film L'Étoile de mer en seconde partie, ce sera avec Carole Horouet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, nous reviendrons sur l'histoire de l'agence Magnum, créée par Cartier-Bresson, Robert Capa, Chim et quelques autres. Nous serons pour ce faire en compagnie de l'historienne de la photographie Clara Bouvresse. Mais d'abord, nous nous intéressons au rapport du photographe avec le journal Le Monde, grâce au journaliste Michel Guérin, spécialiste depuis longtemps de la photographie au sein de ce quotidien. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Quelle est la responsabilité du reporter photographe, Henri ? Le reporter photographe est un monsieur qui doit avoir un point de vue et il le communique. Et évidemment, la responsabilité est très grande parce que par les magazines, nous touchons les quantités de gens. Alors, le danger, n'est-ce pas, nous donnons sur un sujet que nous avons traité 20, 30 ou 40 ou 50 photos, n'est-ce pas ? Mais c'est le magazine qui nous les a achetés, qui les met en page, qui les présente. Il y a un danger, n'est-ce pas, c'est que le magazine fasse des juxtapositions tendancieuses qui peuvent aller à l'encontre du point de vue que nous avons eu. Michel Guérin. Bonjour. Alors vous êtes donc rédacteur en chef au journal Le Monde. Vous avez toujours œuvré dans le service culture, notamment en y lançant le supplément Culture et Idées, le journal Le Monde qui vient d'ailleurs d'avoir 75 ans. Joyeux anniversaire Le Monde. Merci. Belle année. Belle année. Et c'est précisément le journaliste du Monde qu'on voudrait entendre aujourd'hui parce que vous avez publié en 2008 un ouvrage intitulé « Henri Cartier-Bresson et le Monde » dans la collection « Art et artistes » des éditions Gallimard. C'est un livre dans lequel vous avez rassemblé et présenté les 66 principaux articles parus dans ce journal de 1955 à 2006 sur Henri Cartier-Bresson et dont d'ailleurs vous avez été très souvent l'auteur à partir des années 1990. Alors il faut expliquer d'abord les rapport entre Cartier-Bresson et Le Monde, qui est un journal qu'il aimait beaucoup. C'était son journal préféré même peut-être. C'était son journal. Il disait d'ailleurs le journal. Il n'y en avait pas d'autres alors. Non, il y en avait plein d'autres. Mais quand il disait je vais acheter le journal, il achetait Le Monde. Il allait à son kiosque rue des Tuileries où il habitait, au-dessus du jardin des Tuileries, avenue de Rivoli. Et puis jusqu'au moment où le kiosque a fermé, comme hélas beaucoup de kiosques ont fermé, ensuite il était abonné du Monde. Mais enfin, toute sa vie, il a lu le journal. Enfin, à partir du moment où le journal a été créé, juste après guerre. Et c'est vrai que c'était son journal. Il s'y retrouvait. Il était passionné. Il écrivait beaucoup au journal. D'ailleurs, vous reproduisez un peu la correspondance. Oui, entre voilà. Et il connaissait pas mal de journalistes du Monde, et notamment, par exemple, des 49 avec la révolution chinoise, l'arrivée de Mao. Il est avec Robert Guillain, qui était le grand journaliste du Monde, spécialiste de l'Asie. Ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils discutent ensemble. Ils quittent le pays ensemble. Et voilà. Et pour plein de rédacteurs, il avait des liens comme ça. Yvonne Babi, qui était la première femme chef de service du service culture du Monde en 71, et ils étaient très très liés. Il a même fait embaucher un des journalistes qui s'occupait de photographie au Monde, Yves Bourde. C'est lui qui a dit il faut prendre Yves Bourde. Il a dit alors ça. C'était un peu l'éminence grise. Il a été éminence grise d'Yvonne Babi pendant. Ils avaient des liens familiaux, mais aussi des liens affectifs et puis des liens esthétiques très forts, et qui fait que il est venu au Monde faire son dernier reportage quand même. En 1985. Voilà, en 85, j'étais tout jeune, j'ai lui demandé de venir faire un reportage au Monde, parce que c'était important pour nous, on était à une période difficile. Il est venu sans prévenir, enfin je veux dire, je le savais, mais la rédaction n'était pas prévenue, il a passé une journée au journal. Et il n'a pas tant que ça photographié d'ailleurs. Non, mais il a passé plus de temps à parler avec les gens qu'à faire des photographies. Enfin, bref, on a quand même publié ce dernier reportage qui est très émouvant pour nous, et pas mal de rédacteurs, de journalistes s'en souviennent. On voit d'ailleurs une photo de Plantu dans le livre Henri Cartier-Bresson. Oui, il avait une grande admiration pour Plantu, il avait beaucoup d'admiration pour les journalistes qui écrivaient sur l'environnement et aussi évidemment pour les pages culture et puis pour les pages étrangers. Il lisait Le Monde aussi beaucoup pour les pages étrangers parce que voilà, il estimait que c'était quand même son terrain de jeu était la planète et pas la France, même s'il a beaucoup photographié à Paris, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, entre deux reportages, il photographiait beaucoup à Paris, mais était beaucoup, beaucoup dehors. Voilà. Bon, ça c'est un premier aspect, mais il y a un deuxième aspect qui est assez incroyable, c'est l'artiste au Monde sur lequel Le Monde a le plus écrit. Oui. Alors on va y revenir, mais sur le reportage de 85, je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de photos quand même dans un livre qui parle des relations entre... Vous parlez de mon livre ? Votre livre, oui, des relations entre Le Monde et Cartier-Bresson. Et je me suis demandé, est-ce que c'est que finalement, l'instant décisif, il ne se produit pas toujours et il ne suffit pas d'être un génie de la photo si on passe une journée quelque part pour arriver à faire une photo qui entre dans l'histoire. C'était une journée assez contrainte. C'était déjà un vieux monsieur qui ne faisait plus de reportage, qui ne faisait plus de photographie. Même, je pense qu'il a jamais vraiment arrêté. Il en faisait toujours un petit peu, mais enfin, ça n'était plus. Il était totalement tourné vers le dessin à cette période-là. Il est venu par amitié pour ce journal. Sinon, je pense n'importe quel autre journal lui aurait demandé, il aurait dit non. Voilà. À partir de ce moment-là, le travail n'est pas exceptionnel. Il est surtout un travail d'identification des gens qu'il aimait beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même une très très belle photo de la conférence de rédaction avec André Fontaine, la fameuse conférence du matin. À l'époque, je crois que c'était 7h30, c'est qui dure un quart d'heure debout pour que ça aille vite, et avec une photo assez remarquable. Ouais. Alors ce qui est formidable avec le journal Le Monde, pour Henri Cartier-Bresson, c'est que précisément, il n'y a pas de photos dans ce journal. Alors c'est le paradoxe, pour dire pourquoi le journal qui ne fait pas de photos, en tout cas pendant très longtemps, hein. Parce que vraiment la première formule où la photo est généralisée dans Le Monde, c'est-à-dire même dès la une et dans les pages chaudes d'actualité internationale, politique, c'est 2005, c'est quand même très récent. Et Cartier-Bresson meurt en 2004, donc une année auparavant. Bon, mais il trouvait que c'était bien qu'il n'y ait pas de photos dans Le Monde. Il disait, mais surtout n'en mettez pas. Il engueulait Yvonne Babi quand elle mettait des photos dans les pages culture. Faut voir où ça pouvait aller. Il vous l'a dit à vous aussi. Oui, il disait les photos c'est pour ailleurs, c'est pour les expositions, c'est pour les livres, voire les magazines. Les magazines, il les regardait mais il ne les lisait jamais parce qu'il trouvait que c'était ennuyeux, mal écrit, mal foutu. En plus, les photos qu'il trouvait dans les magazines ne lui plaisaient pas. C'était un gagne-pain le magazine pour lui. Il y publiait c'était juste pour ça. Mais sinon, il lisait essentiellement des quotidiens. Et donc, il disait c'est de la place prise pour les textes. Qu'important, c'est les textes. Moi, je veux lire. Je veux pas regarder des images. Les images, je les fais moi-même. J'ai pas besoin. Oui, mais les lecteurs, peut-être qu'ils avaient envie d'avoir des images. Mais bien sûr. Mais bon, vous savez, il était assez direct, assez péremptoire. C'était très difficile à apprivoiser. Moi, chaque fois que j'allais voir Cartier-Bresson, j'ai dû le voir une douzaine de fois dans ma vie, j'avais peur. Je ne savais pas à quoi s'attendre. Il vous interrogeait, vous posait autant de questions que lui, vous en posiez. Enfin, c'était une épreuve. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Il disait, c'est un très bon exercice pour la mémoire quand vous sortirez. Quand tu sortiras en tutoyé, tu noteras ça vite en bas de, sur la rue de Rivoli, et puis voilà. Mais pourtant, on dit qu'il est timide. À Hervé Guibert, ce truc incroyable, où il fait un entretien avec Hervé Guibert, et il dit à Guibert, pas de guillemets. Sous-entendu, donc pas d'entretien. Qu'est-ce qu'a fait Guibert ? Il a publié l'entretien en enlevant techniquement les guillemets. Ouais. Ce qui est quand même, bon, une pirouette incroyable, je crois. Mais on disait qu'il était très timide, pourtant. Oui, mais c'était une grande pudeur, surtout, une grande timidité, et ce qui fait qu'il pouvait être très agressif en même temps. Ouais. Alors, il y avait aussi au Monde cette idée qu'il n'y avait pas de photos parce que Beuve-Méry considérait que c'était pas bien qu'il y ait des photos, peut-être pour... C'était pour se distinguer des autres journaux, déjà. Ensuite, il y a des raisons financières. Beuve-Méry, le fondateur, premier directeur du Monde, n'était pas quelqu'un réputé pour dépenser l'argent facilement. Et enfin, il y avait une autre raison, c'était une raison... il y avait deux autres raisons. Il y avait une raison, de sérieux. On disait un journal sans photos, c'est sérieux, c'est les textes. Bon, voilà, si on veut, bref. Puis il y avait une raison technique qui est que l'imprimerie qu'on avait, qui nous a accompagnés pendant de longues années, était assez médiocre et reproduisait très très mal les images. Puis on peut dire aussi, les images, c'était pour la publicité. Oui, donc la publicité était très bien mise en valeur très bien dans mise le en monde. Valeur. Et d'ailleurs, il y avait des campagnes publicitaires pour dire au Monde, venez chez nous, les photos, c'est pour vous, c'est pour la pub, on les verra très bien. Vous écoutez La Compagnie des œuvres et vous êtes bien sur France Culture. Alors si Cartier-Bresson aimait le journal Le Monde, il faut dire que c'était assez réciproque puisque son nom est mentionné 680 fois en 20 ans. Ça fait 34 fois par an et c'est souvent des articles qui sont plutôt élogieux à son endroit. Il n'y a que des articles élogieux, je crois. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une seule ligne. Oh, il doit y avoir des petites choses sur le rapport avec l'URSS, voilà. Avec la Chine, oui, des choses comme ça. Oui, c'est un point intéressant qui pose d'ailleurs des questions par rapport à l'exposition qui a fini là à la Fondation Cartier-Bresson sur les relations entre Cartier-Bresson et la Chine. Mais à part ça, le nombre, oui, bon d'accord, 680 fois ou 700 fois, mais c'est aussi l'importance des articles. Aucun autre photographe, voire artiste, n'a eu droit à des entretiens sur 3 pages, voire parfois 1 page, 2 pages, enfin des choses très longues. À sa mort quand même, il fait la manchette du Monde, il fait le titre principal du Monde. Alors c'est l'été, d'accord, hein, je crois qu'on est au début du mois d'août, mais quand même, il y a une page de une avec une grande photo où on le voit, un portrait de lui. Donc ça c'est un sacrilège alors d'avoir mis une photo alors que lui-même souhaitait qu'il n'en ait pas. Oui, mais on le voit en train de dessiner. C'est une photo faite par Martine Franck, son épouse. Et donc, c'est quand même une photo qui regarde la photo. C'est une photo miroir. Donc, c'est à plusieurs entrées. C'est pas une photo de Cartier-Bresson. C'est un portrait où on le voit fait par son épouse. Mais et dedans, il y avait 4 pages. Ce qui est quand même énorme. Pour Picasso et pour Matisse, on a fait moins. Mmh. Bon, c'était pas la même période. C'est difficile à comparer. Mais quand même, je pense que c'est totalement exceptionnel. Alors, comment vous expliquez cette connivence entre un journal et un photographe? Est-ce que c'est stylistique? Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est politique? C'est plusieurs choses. Je pense que il y a une adéquation étonnante entre les préoccupations de Cartier-Bresson, que ça soit des préoccupations de contenu, des préoccupations politiques et des préoccupations formelles très fortes, et celles du Monde. C'est-à-dire, on a un journal puritain quand même, il faut le dire, même si on l'a un peu perdu, un journal de distance, un journal de recul. Hein, si on paraît l'après-midi à Paris, alors je sais bien qu'avec Internet, tout est bouleversé. Mais enfin, pendant des décennies, on paraissait l'après-midi. Pourquoi? Ce qu'on disait, il fallait que le matin, on laisse ça les gens qui n'ont pas de temps. Et nous, on sort l'après-midi, on a plus de temps pour analyser. On a un bon fuseau horaire de décalage avec les États-Unis. Et donc, on prend son temps. Voilà. Et Cartier-Bresson est un photographe qui était très rapide. Évidemment, cette notion d'instant décisif, d'à l'affût, etc. Mais à la fois quelqu'un qui était en recul aussi sur les choses. On s'aperçoit quand même, quand il va sur l'actualité, il photographie jamais les puissants. Il photographie jamais le cœur des choses, mais toujours tout ce qui est autour pour essayer de comprendre un peu mieux les choses. Une seule fois, c'est sur les funérailles de Gandhi, où il est vraiment sur l'actualité. Mais sinon, non. Ça c'est une chose. Ensuite, les préoccupations qu'il avait sur les choses importantes, c'est exactement... En gros, sa ligne éditoriale était la même que la nôtre. Mmh. Si on regarde la galerie de portraits de tous les gens qu'il a photographiés, c'est incroyable. C'est des gens qui ont eu droit à des pages et des pages dans Le Monde. Que ce soit dans le champ scientifique, le champ artistique, le champ littéraire, pour prendre 3 champs qui sont importants dans ses portraits, on y retrouve les mêmes préoccupations que le journal. Est-ce qu'on peut dire que Cartier-Bresson est un photographe classique, le dernier des grands classiques, et Le Monde, à cette époque-là, Le Monde a beaucoup changé, était aussi le dernier journal classique? Oui, j'irais un peu plus loin, j'irais même journal de référence, qui était le mot qu'on nous collait avec des bons et des mauvais côtés. Et je pense que Cartier-Bresson était le photographe de référence. Donc il y avait une vraie adéquation qui marchait bien en parallèle. Alors, on a dit près de 700 mentions sur 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ces mentions-là, elles ne sont pas forcément faites au cours d'articles qui sont consacrés à Cartier-Bresson lui-même. C'est-à-dire que dans des entretiens, d'autres photographes, d'autres artistes vont citer le nom de Cartier-Bresson. Ça veut dire que il a une influence qu'on ressent, si vous voulez, à travers cette recension de son nom dans les pages du Monde sur 20 années. Oui, il apparaît partout. Il apparaît même dans des débats, des débats sociétaux, par exemple sur le droit à l'image. Il y avait eu une loi très importante à un moment qui visait à restreindre le droit à l'image, notamment l'interdiction de montrer des gens menottés ou en situation dégradante, enfin, etc. C'est un vieux débat de l'époque où Madame Guigou était ministre de la Justice. Cartier-Bresson est intervenu. Et là, comme une espèce d'autorité, mais il a toujours fait ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Cartier-Bresson apparaît souvent dans le journal alors qu'il n'est plus photographe. Mais il apparaît comme une espèce de valeur de référence, une valeur patrimoniale, espèce de d'homme puissant que l'on va interroger et qui va donner en plus un bon client et qui va s'exprimer. Et il fait autorité et on recueille son avis. Mais même chose, par exemple, des débats assez pointu sur est-ce qu'on a le droit de tirer des photos des photographes après leur mort, et notamment des photographies qu'ils n'ont pas tirées de leur vivant. Il y avait eu un débat à l'époque sur un grand photographe qui s'appelait André Kertész, où il y avait une exposition où on montrait des tirages que Kertész, de son vivant, alors qu'il est mort très vieux, n'avait pas montré. J'ai appelé Cartier-Bresson et il partait au quart de tour en disant « Mais non, il faut pas aller voir les planches de contact des photographes, ce sont des épluchures, l'œuvre s'arrête. » C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait une fondation. C'est aussi la fondation Cartier-Bresson vise à la conserver, mais aussi à protéger son œuvre et à ne pas faire n'importe quoi à partir de son travail. Alors, est-ce qu'on parle toujours autant dans le monde de Cartier-Bresson? Est-ce qu'il est autant une référence pour les artistes qui figurent dans les pages dans les pages culture du monde, selon vous? C'est difficile à dire. Moins, je pense quand même, mais régulièrement quand même, son nom apparaît. Par exemple, vous avez évoqué, je crois, cette exposition sur la Chine. C'est intéressant, il y a eu un débat à la Fondation Cartier-Bresson avec deux jeunes reporters qui vont sur le terrain, qui vont en Syrie, qui vont en Irak, etc. Bon, ils parlaient de Cartier-Bresson, ils ont posé la question de savoir est-ce que eux iraient en Chine en 59, 10 ans après la Révolution, dans des conditions très difficiles de censure assez fortes. Et il disait non, nous, peut-être pas. C'était, selon moi, la petite limite de Cartier-Bresson, c'est qu'il avait tellement l'impression, il estimait que la planète était un espèce de terrain de jeu, où parfois, il se fichait des conditions politiques, des choses. Il disait, quelles que soient les conditions, je pourrais faire quelque chose. Ce qu'il a fait en Russie, et ce qu'il a fait en Chine. En 49, c'est compliqué, parce qu'en 49, c'est quand même un pays qui se crée, et il n'y a pas de problème. Mais en 59, quand vraiment Mao est plus qu'installé, où la répression est déjà bien installée également, il y va, dans des conditions hyper difficiles, et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'un reporter doit y aller quand on ne peut pas vraiment travailler librement et qu'on ne peut pas montrer l'ampleur de la répression? Cartier-Bresson se fichait complètement de ces questions-là. C'est là où il est un artiste. Il y pensait lui-même, il se disait, je peux quand même faire des images. Il est un artiste plus qu'un photoreporter. Bien sûr, pour moi, c'est toute l'ambiguïté. Cartier-Bresson, photoreporter, c'est vrai comme gagne-pain. C'est vrai à un moment comme fonctionnement dans des années très précises. C'est vrai par les publications, mais ensuite, dans l'attitude, dans la pensée, dans la façon de travailler, où il met son objectif, pas du tout. Alors, sept journalistes spécialistes de photographie vont se succéder pour parler de Cartier-Bresson tout au long des décennies durant lesquelles Le Monde va couvrir la photographie. Le premier, Michel Guérin, s'appelle Robert Cloipet. Oui. C'est lui, je crois, qui d'ailleurs avait émis quelques réserves sur la question de la Chine et de l'URSS, ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Et c'est le premier à avoir écrit donc un article. Est-ce qu'il faut lui reconnaître un grand flair ou est-ce qu'au contraire, il s'y est mis un peu tard à découvrir Cartier-Bresson? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de page culture au Monde. Il y avait de temps en temps des articles sur la vie des spectacles sur le théâtre essentiellement. Il y avait une chronique littéraire assez importante. D'ailleurs, Monsieur Cloapé, Robert, que je n'ai pas connu, était quelqu'un qui écrivait sur les livres essentiellement. Et en plus, il était en bataille avec un autre qui s'appelait Henriot, et les deux écrivaient sur les livres, et c'était la guerre entre eux. Mais il y avait pas de rubrique photo, il y avait voilà, c'était donc un peu en fonction du goût de chacun. Et puis alors pourquoi il s'est emparé Cartier-Bresson? Parce que simplement il était photographe amateur, donc c'était son hobby. Et donc il dit tiens, il se passe des choses, voilà. Donc c'est assez chaotique la façon dont il parle, dont il parle de la photographie à l'époque. Il y a des impasses énormes. Et d'ailleurs le premier livre de Cartier-Bresson, qui pour moi est le meilleur, qui s'appelle L'image à la sauvette, qui est quand même un des plus grands livres de l'histoire de la photographie, il en parle pas. Oui. C'est impasse totale. Il y a rien sur ce livre, mais il y a rien sur la création de l'agence Magnum aussi, par exemple. C'est-à-dire que des dates importantes sont complètement zappées. Mais c'est vrai, il a une intuition incroyable, je pense, sur la Chine, parce que d'emblée, et après, peu vont aborder cette question. Moi, je l'ai abordé plus tard, parce que je suis peut-être plus journaliste lié à ça. Mais Cloapé se dit, mais quelle est l'attitude vraiment de Cartier-Bresson en Chine? C'est quoi sa place? Où est-ce qu'il se positionne? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il prend en compte tout le contexte sociétal de l'endroit où il... Ou est-ce qu'il s'impose complètement à l'événement? Et en gros, peu importe le reste. Et peu importe le contexte économico, politique, etc. Et ça, c'est... Bon, mais il le fait d'une intuition au milieu de l'article comme ça. C'est ça qui est assez intéressant. Et j'étais ravi de retrouver cet article. Et du coup, les rapports du monde avec la photo... Et la photo de Cartier-Bresson, c'est aussi un peu l'histoire du monde dans sa professionnalisation, dans la création d'un service culture, j'ai envie de dire digne de ce nom. Ça raconte un petit peu ça aussi. On passe d'un amateur éclairé à quelqu'un au fur et à mesure qui va être un vrai journaliste spécialiste de photographie. Oui, et ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire, d'abord, plus les journalistes passent, plus le nombre d'articles augmente déjà, donc, et la place s'accroît. Et puis les photos publiées avec les articles arrivent aussi, donc ça, il y a une progression. Mais il y a eu tous les profils, hein, comme j'ai dit, Robert Cloapé qui écrivait sur les livres. Hervé Guibert, c'était quelqu'un d'assez étonnant aussi, parce que c'était quelqu'un qui racontait la photographie, non pas en tant que spécialiste académique qui se nourrissait de livres, d'histoires, qui racontait la photographie à travers ces périodes très précises, comme le ferait un historien d'art. Mais il faisait vraiment avec ses yeux et avec ses sentiments, avec une vision aussi très littéraire. Donc, on peut écrire comme ça encore aujourd'hui dans le monde? J'espère, mais c'est vrai que... mais déjà à l'époque, c'était un troublion, hein, Guibert. Hein, il a toujours... Comment dire? Il y a Guibert au milieu, on peut pas dire que depuis Guibert, il y ait beaucoup dans la presse française ou même internationale des gens qui écrivent où ils mélangent l'impression totalement personnelle avec ce que d'autres peuvent dire, avec les propos de l'artiste qui recueille, etc. Ils se fichent un peu des dates, ils se fichent un peu des... Voilà, mais à la fois, il donne une vision assez, assez pointue, comme disait Yvonne Babi, avec pas mal de couteaux au milieu, c'est-à-dire des vraies méchancetés, qui pouvaient distiller comme ça au détour de phrases. Enfin, puis c'était très littéraire, quoi, comme journalisme photographique. Est-ce que c'est parce que c'était très littéraire qu'avec Cartier-Bresson, ça va justement très bien passer? Il y a quelque chose qui Absolument. Se joue entre les deux? Quand Babi le recrute, il a 22 ans, je crois. Évidemment, Cartier ne le connaît pas. Il dit, mais qui c'est ce garçon? Envoie-le-moi tout de suite. Parce qu'il apprécie quand même les articles. Voilà, ils se rencontrent et ils ont une correspondance qui se trouve à la Fondation Cartier-Bresson, qui est assez riche d'admiration réciproque, parfois d'incompréhension. Donc, mais c'est presque une amitié d'égal à égal entre les deux. Et parfois, il y a un moment qui se passe pas très bien et puis ça repart très fort. Enfin voilà, mais c'est spécial. C'est une relation très très spéciale. Alors que Guibert ne prend pas de photos à ce moment-là, est-ce que... Non, c'est... ou il en fait discrètement et on le connaît pas, c'est bien après qu'on apprend qu'il va faire des photos, qu'il va les exposer, d'abord à la galerie Agathe Gaillard, puis ailleurs, puis dans des musées, ce n'est qu'après. Et il se passe même 2 ans avant leur première rencontre et le premier article sur Cartier-Bresson. Donc il y a à la fois une relation personnelle, affective, je pense. Je pense qu'il y a une relation très affective entre eux. J'ai toujours parlé de la part féminine de Cartier-Bresson, ça nous amène un peu loin. Mais je pense qu'il y a une vraie admiration quasi charnelle entre eux. Entre ce très beau garçon qui était Hervé Guibert et Cartier était quelqu'un à la fois de très élégant quand même, qui vient d'un milieu très bourgeois, très élégant. Il faut voir les photos de Cartier-Bresson dans les années 50-60, costume trois pièces, sublimement habillé, voilà, et qui dansait quand il marchait, quoi. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait une élégance. Je pense qu'ils avaient beaucoup à partager. Et ce qui n'empêchait pas parfois quand même des duretés entre eux. Il n'est pas en costume trois pièces quand il faisait ses reportages. Non, ce qui est intéressant, c'est que Cartier-Bresson, il épouse l'époque. Et quand on regardait les photos de Cartier-Bresson de lui dans l'après, dès les années 70, enfin, dans l'après 68, c'est le blouson, il avait le foulard rouge un peu ici, puis voilà. Mmh. Et puis on le voyait dans les musées avec une canne de golf et il engueulait les gens qui ne savaient pas regarder les tableaux. En tout cas, ce qui est possible aussi, c'est que ce qui a rapproché les deux, c'est un certain goût pour, je vais reprendre le mot de classicisme, dans la photographie, parce que probablement que Guibert était moins attaché à des photographies conceptuelles, type Boltanski à l'époque, mais qui voyait vraiment Cartier-Bresson. Alors complètement, comme un grand Guibert photographe. Est passé à côté volontairement, je pense, de toute la photographie conceptuelle, minimaliste, des années 70 et alors qu'il y travaillait, et je pense que et il était beaucoup ce qu'il appelait la jouissance de l'œil, en fait, et qui est une notion totalement cartier-bressonienne, et évidemment il se retrouvait là-dessus. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, avant que ce ne soit vous, Michel Guérin, qui preniez la rubrique photographique, il faut citer d'autres noms, et celui en particulier d'Yves Bourde. Alors lui, il a écrit qu'un article, avec Cartier-Bresson, je veux dire. Ah oui, mais quel article ? Mais quel article ? C'est peut-être le meilleur, alors. Alors donc, il faut rappeler que c'est le seul critique recruté par Cartier-Bresson, en fait. Hein. Mais il n'a pas écrit que sur Cartier-Bresson, il a fait beaucoup d'articles. Il travaille pas longtemps au Monde, mais donc il fait ce fameux article de 74, titré ainsi « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre », qui est donc un titre, qui est une citation de Cartier-Bresson tirée de l'article. Et qui fait un vrai scandale. En 74, pourquoi Cartier-Bresson n'est plus photographe ? C'est vraiment là, il est déjà passé de l'autre côté, quoi, du côté du dessin, mais il fait une leçon photographique à la planète photographie, à tout le monde, en disant voilà, c'est quoi la photographie. Sur une page entière, ce qui est quand même long, encore très petit, hein, donc il y a vraiment beaucoup à lire, et il fait sa leçon, il fait ses vérités photographiques, il dit voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, il attaque la couleur, il attaque les reporters, il attaque des noms en plus, des confrères. Avedon, par exemple. Avedon, alors que ça, c'est intéressant. À la Fondation Cartier-Bresson, il y a une correspondance Avedon-Cartier-Bresson, je ne pensais pas, mais assez longue. Et Avedon est en dévotion, moi, devant Cartier-Bresson, par exemple. Donc, mais voilà, il attaque plein de gens. Mais pourquoi ? Il y a de la méchanceté, là ? Je crois qu'il ne se rend pas bien compte. Je pense qu'il l'entretient sur son lieu de vacances, dans le Midi. C'est l'été, je pense, et tout va bien. Il est trop détendu. Je ne sais pas s'il relit l'article, d'ailleurs. À l'époque, on pouvait m'en demander un peu, mais bref. Et je crois qu'il se rend pas bien compte. Mais ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que c'est publié tel que c'est ce qu'il a dit, quoi. Voilà, il l'a dit, il a jamais contesté avoir dit tout ce qu'il dit dans cet entretien. Ça entraîne une avalanche de courriers, essentiellement venant des milieux professionnels et notamment de collègues de l'agence Magnum, dont il n'est quasiment plus, en fait, d'une certaine façon, et notamment Guy Le Querec. Et comment il s'appelle ? Et Gilles Pérès, voilà, et Gilles Pérès, qui sont deux photographes très engagés, qui viennent de la gauche, de la photographie sociale, et qui estiment qu'il n'y a pas une seule façon de faire des photos, que ce soit dans le rapport au sujet, dans la façon de se comporter, qui ont une approche beaucoup plus politique que celle de Cartier, qui lui est quand même toujours un esthète. Ça m'a toujours un peu troublé quand on veut rattacher toujours Cartier-Bresson au communisme. Il était communiste dans les années 30 parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà, on était un fasciste. Mais ça n'a jamais été quelqu'un de très engagé. C'est quelqu'un qui était, comme il disait, toujours en bout de table dans les conversations, mais qui a fui les surréalistes très vite tellement il les trouvait doctrinaires, qui détestait à la fin même les tic-tacs des surréalistes et de leur chef. Et c'est quelqu'un, voilà, qui s'est toujours méfié. Et sur la Chine des 49, il voit les problèmes aussi que ça peut donner. Bon, bref. Alors que les autres ont été beaucoup plus engagés dans leurs images, et ça entraîne une avalanche de plein de photographes qui vont contre lui, d'autres qui vont avec lui. Enfin, voilà. Il est obligé de même faire un long rectificatif, et qui n'en est pas un, qui est plutôt une précision à son entretien, pour essayer d'atténuer les dégâts qu'il avait commis. Mais est-ce que ça change un petit peu les choses dans le champ de la photographie? Est-ce que c'est une bataille d'Hernani? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Non, je pense pas, parce que c'est quand même très intra. Petit. Je sais pas. Il faudrait. Ce qui est certain, c'est que c'est un entretien important, parce qu'il est. C'est le. Pour moi, le premier grand entretien dans la presse même mondiale où quelqu'un dit vraiment ce qu'il pense. Et alors vraiment, il est sur la géométrie à fond, il est sur l'approche, il est sur plein de choses. Il passe en revue pas mal de choses sur l'attitude photographique, qui renvoie d'ailleurs à son introduction de son texte qui fait dans Images à la sauvette, qui est quasiment un manuel de photographie, qui est presque un manuel pour les gens de métier, ce qui est assez surprenant, parce que c'est quelqu'un qui a toujours détesté après, quand on allait le voir, le côté, mais non, il disait toujours, je ne suis pas un photographe, tout ça c'est de la cuisine, c'est de la technique, on n'en a rien à cirer, etc., etc. Alors qu'en fait, là, en 52, dans son livre, et en 74, dans l'entretien avec Yves Bourg dans Le Monde, il est presque technique. Il dit, voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qu'il ne faut pas faire. La photo commerciale, la couleur, tout ça, il le balaye, tout. Enfin, alors qu'il y avait plein de coloristes chez Magnum à l'époque aussi. Donc encore une ambivalence de Cartier-Bresson. Pour terminer, Michel Guérin, qui serait le photographe chéri du monde aujourd'hui, comme l'a été Cartier-Bresson? Chéri, c'est difficile à dire, mais enfin, il y a un photographe... Vous pouvez citer plusieurs noms si vous avez envie de noyer le poisson. Mais je veux dire, chéri du monde, c'est-à-dire en tant que... qui représenterait un petit peu le style du monde. Il y a un photographe que j'aime beaucoup, s'appelle Laurent van der Stock, parce qu'il a beaucoup publié dans Le Monde, notamment... en tant que photojournaliste, alors c'est un photojournaliste hein, qui va sur les terres de guerre et qui est très associé au Monde depuis une quinzaine d'années sur les grands conflits. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est aussi ça montre une révolution incroyable, c'est-à-dire que Le Monde est devenu aujourd'hui notre journal, un des principaux producteurs d'images de presse, ce qui était impensable. Dans Le Monde ou en France? Dans Le Monde entier. Dans Le Monde entier, en passant des commandes à des photographes, et notamment sur les terrains d'actualité qui nourrissent les pages internationales, et dont Laurent van der Stock est un des principaux représentants. Ah bah ça nous fait une assez bonne transition avec la seconde partie. Merci beaucoup Michel Guérin d'être venu nous parler aujourd'hui d'Henri Cartier-Bresson dans sa relation avec votre journal Le Monde, et tel que vous le racontez dans un livre paru en 2008 dans la collection Art et Artistes des éditions Gallimard, sous le titre Henri Cartier-Bresson et Le Monde. C'est bien la Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture au dernier moment de notre série consacrée donc à Cartier-Bresson, né, je le rappelle, en 1908, mort en 2004 à l'âge de 95 ans, après une longue vie dont de nombreuses passées au sein de l'agence Magnum, dont il va être question à présent avec l'historienne de la photographie Clara Bouvresse, maîtresse de conférences à l'université d'Évry, Val d'Essonne, et à qui on doit l'ouvrage « Histoire de l'agence Magnum, l'art d'être photographe » publié en 2017 chez Flammarion. Chim Kappa et moi, nous étions... Je ne connaissais pas d'autres photographes, pratiquement. Et on a travaillé ensemble. On a travaillé pour ce soir, où Aragon nous fichait une paix royale. On était très tranquilles, enfin, on faisait un peu de tout. Les chiens écrasés, de tout. Et il y a eu la guerre d'Espagne. Chim et Kappa ont travaillé pendant la guerre d'Espagne... en photographe, et moi j'ai fait un film sur les hôpitaux espagnols. Nous nous voyons tout le temps, mais on ne se considérait pas comme des artistes, ça n'avait aucun rapport avec la photographie maintenant. On était des artisans, avec une curiosité pour ce qui se passait dans le monde, on faisait ça du mieux possible, mais les conceptions esthétiques de maintenant, ça aurait été d'une grossièreté, d'une vulgarité que de parler de ces choses-là. Il fallait être présent, il fallait deux jambes, un œil, un doigt, et pas trop réfléchir. Il fallait être sensible. Est-ce que maintenant, c'est une intelligence qui mène à quoi? Enfin, je ne porte aucun jugement sur la photographie actuelle. Ça n'a aucun rapport. Notre monde, quand nous faisions des photos, il n'y avait pas la télévision. Même au début de Magnum, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de charter. Il y avait une curiosité, et c'est pour ça qu'on a fondé Magnum en 1947. Il y avait une curiosité dans le monde pour ce qui se passait, que le monde y avait été coupé. Alors il y avait Chim, Kappa et George Roger, qui est le seul survivant des fondateurs avec moi. Extrait de l'émission Profil perdu en 1989. Bonjour Clara Bouveresse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'où vient ce nom étrange de Magnum? Qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Magnum, c'est une locution latine qui renvoie à la grandeur, la noblesse, l'importance. C'est un nom très stratégique qui permet, dès sa création en 1947, d'affirmer l'ambition de cette jeune agence qui veut représenter l'excellence en matière de photographie. C'est aussi peut-être une grosse bouteille de champagne? Oui, ou une c'est grosse aussi, bouteille de vin. Effectivement, c'est aussi le Magnum de champagne qui, paraît-il, était la boisson favorite de Robert Capa, photographe et entrepreneur qui avait le sens des affaires et qui savait que le champagne, ça pouvait aussi aider en organisant des belles fêtes, à rencontrer des commanditaires, des clients à qui on pouvait vendre les images autour d'un verre de champagne. Oui. Oui. Et le Magnum, c'est une arme comme pour le voilà, tir photographique. Voilà, il y a enfin cette référence effectivement plus guerrière qui renvoie voilà, au genre de la photographie de guerre et à l'image un peu virile des photoreporters aux premières lignes des conflits. Oui. En tout cas, c'est un nom qui en impose, Magnum. Absolument, et c'est bien l'idée de Capa et de ses confrères au moment de la création de l'agence, c'est de s'imposer, de créer une coopérative pour être maître de leur travail, propriétaire de leurs images. Mmh. Quoi de mieux qu'une coopérative pour contrôler leur propre entreprise, évidemment, et montrer que leurs photos leur appartiennent. Il n'est plus question de laisser les journaux les republier à leur guise avec des légendes qui n'auraient pas été validées par les auteurs. Mmh. Et puis ça crée quand même une sorte de standard. Après Magnum, quand on créera des agences, il faudra trouver des noms qui claquent un petit peu quand même. Voilà, Gamma, Sipa, Sigma, nous avons toutes sortes d'agences qui sont dans l'émulation par rapport à leurs consoeurs illustres nés juste après la guerre. Alors, cette agence, elle est cofondée avec Capa, avec David Seymour, donc Chim, avec William Vandiver, avec George Roger. Il y a un premier moment, 1938, qui est une sorte de début de l'agence Capa, c'est ça, Clara Bouveresse? En 1947, c'est la création de Magnum. Donc la création, mais il y a une première rencontre, ou je me trompe, oui, en 1938. Non, en fait, c'est des photographes qui se connaissent auparavant, donc on a eu le petit extrait où Cartier-Bresson parle de l'Espagne, c'est des photographes qui ont publié dans le journal Regard, qui ont été très engagés, il le disait, en Espagne, il n'était pas question de composer les images, il était question de rendre compte de ce qui se passait, parce que c'était la lutte contre le fascisme. Et après la guerre, ces photographes sont marqués par cet esprit d'engagement, cette idée que la photo a un rôle à jouer, un rôle de témoignage pour rendre compte des réalités du monde et peut-être aussi participer à la reconstruction, aux espoirs de paix qui sont très forts hein, à l'issue de la guerre. Cette idée que, en fait, si les hommes et les femmes de par le monde se voient, à travers des photographies, ils se connaîtront mieux, ils se comprendront mieux et cette connaissance permettra peut-être de jeter des ponts, d'éviter les conflits à l'avenir. Donc Magnum est un enfant de la guerre? Oui, absolument. Marqué par un esprit très universaliste des lendemains de la guerre, on l'a comparé à des grandes institutions comme l'ONU qui sont aussi dans cette optique. Oui. Nous avons commencé avec absolument sans argent, enfin juste avec nos outils après la guerre, et parti à l'aventure. Et il y a eu souvent des périodes très difficiles. Enfin, nous n'avons personne qui nous finance. Et à la porte de notre bureau, il y a une dame, n'est-ce pas, à côté du bistrot, qui a une petite guérite et qui vend des billets de la loterie nationale. Je la salue tous les jours quand je passe, respectueusement, religieusement, mais, enfin, comme des gens se signent en passant devant une église. Parce que cette dame, mes camarades jeunes, nouveaux venus, ne le savent pas, mais cette dame donnait les tuyaux sur les chevaux à Capa. Mais Capa était très joueur et ça a permis quelquefois, quand nous avions des difficultés, de payer les salaires des filles du bureau. Parce qu'il était très joueur, mais il gagnait. Et il gagnait grâce à cette dame. Alors j'ai une vénération pour elle, c'est pour ça que nous existons encore. Alors quel est le rôle de Cartier-Bresson, Clara Bouvresse, au sein de cette agence où il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout, des Anglais, des Américains, des Espagnols, des Français d'origine hongroise comme Capa par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il représente ? Déjà, Henri Cartier-Bresson, au moment de la fondation de Magnum en 47, il expose au MoMA, au Museum of Modern Art de New York. Donc, il a un pied dans le monde de l'art. Et dès le début, il est entre art et journalisme. Donc, il ouvre cette possibilité qui va ensuite être utilisée par plein de photographes de Magnum qui, aujourd'hui encore, exposent dans les musées, dans les galeries, dans les pas donc d'Henri Cartier-Bresson et donne à cette agence une autre dimension, pas seulement une agence de presse. Donc, une caution artistique. Oui, absolument. Une ouverture qui en fait va faire le succès de cette agence parce que cette faculté à travailler sur plusieurs secteurs, donc la presse mais aussi le monde de l'art, la publicité, des commandes pour des institutions, c'est ce qui lui permet de retomber sur ses pieds quand il y a des difficultés économiques. C'est une diversification qui est très stratégique du point de vue économique, de même que le fait d'être entre la France et les États-Unis quand un pays est en difficulté financière et qu'un marché s'affaiblit, il y a toujours un autre continent où peut-être les commandes peuvent compenser. Voilà. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Capa ou est-ce que lui est quand même plutôt un journaliste qui fait des photos qui se trouvent être parfois des photos très belles, peut-être des photos d'art, je ne sais pas. Capa, c'est vraiment le reporter et d'ailleurs, c'est lui qui a le plus l'intuition de ce qui fonctionne dans les magazines. C'est lui qui pense qu'il faut créer des reportages avec des images séquencées et légendées pour raconter une histoire et qui va, au début de l'agence, jouer un peu le rôle de rédacteur en chef en poussant ses confrères à créer des produits qui vont se vendre et qui vont fonctionner sur le marché de la presse. Donc lui, il est vraiment dans ce secteur de la presse. Oui. Donc on voit que c'est une réunion de gens qui n'ont pas tous la même vision de ce que doit être la photographie. Mais ils partagent cet engagement et puis cette ambition, cette idée que voilà, la photographie mérite d'être reconnue. Les photographes sont des auteurs à part entière au même titre que les gens qui écrivent des textes. Alors ça, il faut peut-être insister là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. C'est l'ADN au fond de Magnum que de dire ce qui compte, c'est le photographe et il faut créer une sorte de statut aussi du photographe. Oui, et Henri Cartier-Bresson joue un rôle central dans cette opération puisque c'est une figure tutélaire qui est très visible et qui a déjà une signature reconnue. Donc c'est difficile de marcher sur les pieds d'Henri Cartier-Bresson, si on peut dire. Et les membres de l'agence, les personnes qui travaillent à Magnum vont utiliser cette référence pour défendre le droit d'auteur. Par exemple, j'ai trouvé une lettre où on a une éditrice de Magnum qui répond à un journal qui voudrait garder des négatifs en citant Henri Cartier-Bresson qui dit « Les négatifs sont les yeux des photographes ». Évidemment, personne n'oserait arracher les yeux d'Henri Cartier-Bresson. Non, ce serait malvenu en effet. Donc ça se concrétise dans une défense du droit d'auteur et aussi l'idée de la réutilisation des images qui ne sont du coup pas seulement des images d'actualité, c'est ça Clara Bouvresse ? Voilà, au moment de la création, tous les photographes de Magnum ont déjà produit des images qui ont une forme de postérité. Robert Capa a fait les photos du débarquement en Normandie, les photos de la guerre d'Espagne qui sont republiées. Donc ils savent que ces images sont comme un capital qui peuvent éventuellement leur apporter des revenus sur le long terme. Ils ont conscience de cette valeur patrimoniale des images. Et Magnum fonctionne avec ce trésor que sont ses archives, qui lui assurent des revenus et qui permet de financer la production de nouveaux reportages. On imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui. Les photos de Cartier-Bresson continuent de permettre à l'agence de vivre. Oui, absolument. C'est effectivement, mais c'est aussi le cas de photos de tous les membres de l'agence, oui. Ouais. Alors comment se définissent les membres de Magnum ? Ils sont à la fois photographes, propriétaires, directeurs, vice-présidents, co-directeurs, co-partenaires, co-travailleurs, ils sont tout en fait. Oui, voilà, ils ont plein de casquettes. C'est une situation un peu étonnante parce que ils ont des employés à l'intérieur de l'agence dont ils sont les patrons et qui en même temps doivent leur donner des commandes, donc leur donner des indications, leur dire voilà, tel client voudrait tel reportage avec tel angle, mais en même temps dire ça à son propre patron, mais c'est pas du tout évident. Et donc il y a tout le temps des tensions à l'intérieur de l'agence sur les directions à prendre. C'est un peu la crise permanente, c'est un modèle très précaire et en même temps très créatif et qui génère des étincelles, oui. Oui, parce qu'on imagine que ce sont tous d'assez fortes personnalités. Absolument, et c'est pour ça quand il est dans la citation sur le fait que c'est un peu la banqueroute permanente, ça fait partie de la mythologie de l'agence que de toujours être au bord de la disparition, mais en même temps toujours survivre. Et donc cette survie inespérée, c'est la preuve que finalement l'agence ne saurait disparaître, qu'elle doit toujours perdurer malgré ses difficultés. Donc c'est une coopérative, ça fonctionne un peu comme... Kibbutz, on peut faire cette analogie. Oui, on est complètement dans cet esprit d'après-guerre, effectivement, de travailler ensemble et de penser que voilà, cette mise en commun va porter ses fruits, que les photographes ont tout à gagner à échanger, dialoguer. C'est un lieu de débat, de réflexion sur ce qu'est la photographie, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des achoppements entre les membres, et notamment, comme disait Michel Guérin, quand les jeunes photographes s'opposent aux diktats énoncés par leur illustre prédécesseur. Il y avait donc des opposition à Cartier-Bresson, y compris quand il était encore très actif dans l'agence. Oui, alors à partir de la fin des années 60, il s'éloigne de Magnum, mais il reste un peu un des membres fondateurs qui joue un rôle de figure tutélaire, donc le monument, qui à la fois est toujours reconnu pour son œil et sa capacité à juger du travail des nouvelles recrues, et en même temps, suscite des critiques, puisque l'idée c'est quand même de se renouveler. Si tout le monde faisait du Cartier-Bresson, ça n'aurait plus aucun intérêt. On l'appelle la reine mère. Voilà, lui dit qu'il, ironiquement, qu'il est la reine mère de l'agence. Notre tâche consiste à observer la réalité avec l'aide de ce carnet de croquis qu'est notre appareil. À la fixer, mais pas à la manipuler. Ni pendant la prise de vue, ni au laboratoire par de petites cuisines. Tous ces trucages se voient pour qui a l'œil. Dans un reportage photographique, on vient compter les coups. Un peu comme un arbitre. Et fatalement, on arrive comme un intrus. Il faut donc approcher le sujet à pas de loup. Même s'il s'agit d'une nature morte, faire patte de velours, avoir l'œil aigu, pas de bousculade. On ne fouette pas l'eau avant de pêcher, pas de photo au magnésium bien entendu, par respect ne serait-ce que pour la lumière, même absente. Sinon le photographe devient quelqu'un d'insupportablement agressif. Ce métier tient tellement aux relations que l'on établit avec les gens qu'un mot peut tout gâcher. Et toutes les alvéoles se referment. Ici encore pas de système. Sinon de se faire oublier ainsi que l'appareil qui est toujours trop voyant. Un extrait de L'instant décisif, texte paru dans la revue Les Cahiers de la photographie en 1986, lu par Lara Brühl. Ce style finalement de Cartier-Bresson qu'il explique dans L'instant décisif, on ne peut pas l'extrapoler à tout le monde chez Magnum. Qu'est-ce qu'on peut cependant en garder? Qu'est-ce qui finalement est commun dans le style Magnum avec le style Cartier-Bresson? Moi, je dirais simplement cette exigence, cette idée, cette haute idée de la photographie, et puis cette idée que le fait de travailler ensemble, d'échanger et de ne pas travailler uniquement en loup solitaire, ce qui est le cas de plein de photographes, peut porter ses fruits. Mais après, à Magnum, il y a des gens qui, à l'inverse, vont travailler au flash, l'inverse de ce que vient de dire Cartier-Bresson, de façon extrêmement frontale, voire agressive. Il y a des gens qui vont pas du tout chercher à s'effacer, mais à adopter une approche plus autobiographique. D'autres qui vont entamer un dialogue avec les personnes photographiées dans des optiques plus participatives. Donc c'est une façon d'apparaître pour ensuite mieux se retirer et laisser place aux personnes qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc il y a quand même des façons de travailler extrêmement variées. Et puis sans parler de tous ceux qui travaillent en couleur. La couleur que Henri Cartier-Bresson a fini par renier. Ouais. Alors il y a des choses quand même un petit peu communes, une espèce de charte, je ne sais pas si elle est rédigée ou pas, mais pas d'actu qui ne soit pas à grande portée politique ou au moins internationale, la qualité que la quantité, pas de people, des angles originaux. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu des choses qui sont définies comme ça? Mais il y a eu du people dans les premières années de Magnum. Même David Seymour, un des fondateurs, a beaucoup travaillé à Cinecittà en Italie. Il a photographié Sophia Loren. Voilà, c'est simplement Capa lui-même était sur les plateaux de cinéma. C'est toute une partie du travail des membres de Magnum qui est peut-être un peu passée dans l'ombre parce qu'il y a toute cette mythologie, les images iconiques qui viennent effacer le reste. Hein. Mais en fait, il y a une très grande diversité à l'intérieur de l'agence. Oui. D'ailleurs, vous avez assez envie de casser un peu le mythe Magnum. Oui, ou de le relativiser. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on tourne en rond si on regarde tout le temps les mêmes images. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des limites aujourd'hui de l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson que d'être cantonné à un canon. C'est les images qu'il a validées et qu'il a choisi de mettre en avant. Et puis, l'éradication, par exemple, de son travail en couleur, peut-être, pose un grave problème déontologique. Puisque effectivement, il ne souhaitait pas montrer ce travail, mais en même temps, au bout d'un moment, comment fait-on pour aller plus loin dans la découverte de ce témoignage si toute une partie du travail reste invisible? C'est un problème compliqué. Alors, l'agence Magnum, du temps où Cartier-Bresson y est très actif, est beaucoup liée, pour le meilleur comme pour le pire, avec un magazine, et ce magazine, c'est Paris Match. Oui, et puis aussi avec le magazine Life aux États-Unis, qui, voilà, c'est un peu les magazines phares dans lesquels il faut publier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut travailler en couleur, parce que si on veut faire la une de Paris Match ou de Life, ça va être des photos couleurs. Il y a une anecdote, dans les années 50, Henri Cartier-Bresson reçoit un prix pour ses photos de Shanghai, et il y a une remise de prix, il n'est pas là, donc il faut le représenter. L'éditeur de Life va absolument y aller pour recevoir le prix, puisque les photos ont été montrées dans Life. Et évidemment, à Magnum, ils disent mais non, puisque ces photos n'appartiennent pas justement à Life. Toute l'idée de Magnum, c'est de dire que c'est les photographes d'abord et pas les journaux ou les magazines. Et finalement, Magnum va céder la place galamment à l'éditeur de Life, qui va, dans son discours, être obligé de rendre hommage à Magnum. Mmh. Donc ce sera en fait un coup double, une partie gagnante pour l'agence. Comment est-ce qu'on rentre à Magnum? Alors, si vous voulez rentrer à Magnum, vous envoyez un portfolio. Voilà, vous envoyez un portfolio d'images et les photographes se réunissent une fois par an pour regarder ces portfolios et voter. Si votre portfolio plaît et que vous avez la moitié des votes, vous allez pouvoir être nominé pendant 2 ans. Ensuite, il faut représenter son travail. À ce moment-là, il y a une petite expérience de travail en commun. Est-ce que ce photographe gagne à travailler avec l'agence ou pas forcément? Pour passer au statut d'associé après un second vote. Et enfin, au bout d'un dernier vote, il est possible de devenir membre. À ce moment-là, on est membre à vie. Et donc, on peut voter à son tour. C'est un peu comme la Comédie Française. Voilà, c'est une académie extrêmement élitiste. Qu'est-ce que le numérique change dans l'agence Magnum comme dans les autres agences de photographie, mais dans celle-là avec son histoire particulière? C'est la remise en cause du modèle économique de Magnum qui était fondé sur le droit d'auteur, puisque aujourd'hui vous pouvez copier-coller des photos comme vous voulez sur Internet. Pareil pour la musique, le cinéma, le droit d'auteur est mis en danger. Et donc comment faire pour rétribuer les photographes, leur permettre de continuer de produire? Donc c'est tout l'idée de départ, toute l'idée originelle qui est remise en cause. Oui, et en même temps, finalement, cette stratégie de mettre en avant le nom, la marque Magnum, la signature des photographes, fait qu'ils ont une existence, une visibilité, une aura qui continue de se vendre et de pouvoir voilà, exister aussi sur le marché de l'art, le marché des tirages qui sont collectionnés. Malgré quelques polémiques, notamment autour des photographies de Capa, sont-elles montées, sont-elles vraiment prises sur le vif? Oui, il y a toujours des polémiques parce qu'on a toujours envie de croire dans les images, on a envie de pouvoir s'appuyer sur ces images comme si c'était des preuves irréfutables, comme si c'était presque un dogme, voilà, une religion. Mais non, une image, c'est toujours un moment, un point de vue, il y a une légende, c'est un témoignage qui est fragmentaire. Et quand cette croyance s'écroule, eh bien, ça crée des débats sans fin, alors qu'en réalité, voilà, c'est toujours plus compliqué. Ce qui compte, c'est l'image, il faut seulement regarder l'image. Mais ce qui compte, c'est l'exercice du regard critique sur cette image. Merci beaucoup Clara Bouveresse. Pour aller plus loin, on peut se procurer votre livre sur l'histoire de l'agence Magnum aux éditions Flammarion. Puis je rappelle de nouveau le livre Henri Cartier-Bresson et le monde dans la collection Art et Artistes des éditions Gallimard. On retrouve tout de suite la chronique en compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. en compagnie des revues avec vous, Maïalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous évoquez pour nous l'œuvre de Cristina García Rodero, première espagnole à être devenue membre de l'agence Magnum en 2005. Comment se fait-il qu'il ait fallu autant de temps pour que des Espagnols intègrent l'agence? Quand l'agence a été créée, l'Espagne était encore en pleine dictature. Donc la censure touchait bien évidemment la photo et les photographes du régime, ils ne seraient pas trop rentrés à Magnum, quoi. Et García Rodero, elle était jeune adulte dans les années 70, donc elle fait partie de la première génération à avoir vraiment pu prendre des photos pendant la transition démocratique. Ça lui a donné beaucoup de liberté. Et comme, en fait, elle a eu le sentiment d'une modernisation très très rapide du pays, ce qui était un sentiment assez partagé, elle s'est intéressée à tout ce qui était fêtes, rites, vie des villages, tout ce qui était susceptible de disparaître très très rapidement. Donc elle a sillonné le pays, elle a pris plein de photos, souvent des portraits ou des tout petit groupe, 3-4 personnes. Et donc tout ce travail a donné une série de photos qui s'appelle España Oculta, l'Espagne cachée. Et donc avec cette série notamment, elle a commencé à percer internationalement à la fin des années 80. Et à partir de là, elle a vraiment baroudé partout. Elle est partie dans plein de pays, en Europe de l'Est, à Cuba, à Haïti, en Asie du Sud-Est. Toujours avec cette idée de photographier majoritairement des fêtes, des rituels. Et alors comment cette vision de l'Espagne a été perçue par la critique ? Quand c'est sorti, quand ça a commencé notamment à être exposé aux États-Unis, les critiques américains ont vraiment vu ça comme une grande figure d'altérité. C'était très exotique. Pour eux, c'était un peu l'Espagne hors du temps, comme ça, un truc un peu ahistorique, par opposition à une culture américaine qui, elle, est en pleine société de consommation et beaucoup plus hors sol. Et elle-même peut avoir tendance à en parler dans des termes un peu comme ça, ce qui rassure, par exemple, la droite espagnole dans cette idée de l'Espagne des villages. Et en même temps, pour les Espagnols, c'est aussi différent parce que, l'Espagne, c'est un pays qui est quand même très urbanisé, donc toutes les fêtes qu'elle montre, c'est aussi très exotique pour tout un tas d'Espagnols qui ne les connaissent pas. Et aussi, son traitement des photos est très très différent de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que là où, sous le franquisme, vous pouviez avoir les mêmes fêtes avec des poses très hiératiques, une espèce de mysticisme, une vision très très héroïcisée de la pauvreté, elle, ce qui l'intéresse, c'est comment ça loupe. C'est votre rituel avec le serveur qui passe au milieu parce qu'il amène ses churros et son chocolat. C'est la petite fille qui baille pendant la messe. C'est tout ce qui fait que les gens se mettent ensemble, font des choses ensemble. Et donc c'est très, je vais pas dire coloré parce qu'il y a aussi des photos en noir et blanc, mais c'est très vivant et c'est joyeux. Et ça, ça change radicalement en fait. Alors est-ce que son entrée chez Magnum a eu un impact sur sa carrière ? Quand elle est rentrée, elle était déjà extrêmement connue en Espagne. Elle avait une liste de prix absolument longue comme le bras. Et donc, ça aurait pu juste être une consécration. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que ça l'aide beaucoup mieux à gérer les droits de ses photos. Donc, tout ce côté coopérative et comment tu négocies et comment tu diffuses, ça marche encore et ça a encore un impact. Je ne sais pas si le fait d'être une femme joue plus ou pas. Pour l'Espagne, ça montre que les photographes espagnols intéressent dans le monde entier. Et elle, le pouvoir que ça lui donne maintenant, alors mis à part prendre des photos de la famille royale, pour la partie people qui elle aussi dure toujours, c'est de pouvoir essayer d'influencer les politiques culturelles espagnoles, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'équivalent du Centre National de la Photographie en Espagne. Il y a des structures régionales, mais il n'y a pas comme ça de grands musées où on exposerait des photos. Ils ont essayé d'en lancer un à Soria, qui est dans l'Espagne, ce qu'on appelle l'Espagne vide, pour essayer de redynamiser la province, mais le projet a été abandonné. Du coup, il y a un musée sur elle dans sa ville natale, mais elle milite pour qu'il y ait une structuration de la photographie en Espagne. Et ça, Magnum a joué là-dessus, je pense. Merci beaucoup, Maïalène Berasategui. On retrouve votre signature dans les colonnes du Nouveau Magazine Littéraire. C'est la Compagnie des œuvres, une émission proposée par Laurence Malonda, Pierre Cataneo, Léa Sabourin, Vanessa Prévost, Didier Pinault et Audrey Guélil. Elle se poursuit demain avec une émission consacrée cette fois à Man Ray et la mode, mais aussi à son film L'Étoile de mer. Nous serons en compagnie d'Alain Sayag et de Carole Horouet. Ce soir, le feuilleton à 20h30 s'appelle « Je suis punk » et on le doit à Caroline de Kergariou. Mais dans un instant, sur France Culture, on retrouve les sciences.